prochaine, comme les autres semaines. J'adore que tu reviennes, je suis déjà là. Oui, je t'entends, je te vois la semaine.